Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 659. Et l'album de la semaine sera un album qui a été, qui est plutôt un mini-album fait de 45 tours et de quelques chansons. C'est la bande originale du film, du téléfilm même pour être exact, Magical Mystery Tour, sorti en 1967. On écoutera Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill, Blue Jay Way, oui, Blue Jay Way, Your Mother Should Know, I'm the Walrus, évidemment, et il y aura Strawberry Fields Forever. Pour McCartney, nous entendrons, celui-là je vous le réserve en surprise, en tout cas cet extrait de son premier album, et la première chanson c'est une... Je vous l'expliquerai après. Pour Lennon, ce sera Mother sur Plastic Ono Band en 70. Harrison nous chantera What is Life sur son fantastique album All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera Bokoops of Blues sur l'album éponyme Bokoops of Blues. Pour le reste, vous verrez, l'invité de la semaine, ce sera Eric Clapton qui nous chantera une chanson de George Harrison en 2005. Je vous propose de vous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on va passer deux heures ensemble dans la joie, la bonne humeur et surtout la musique de John, Paul, Ringo et George. Contexte général de cet album de la semaine. Nous sommes en été 1967, les Beatles sortent de l'euphorie Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Le 27 août 67, mort de Brian Epstein, leur manager depuis 1962. C'est un choc immense, il était le filtre, le protecteur, l'organisateur. Malgré le doute, Paul McCartney pousse l'idée d'un film improvisé sans scénario, Magical Mystery Tour. Le projet, autoproduit, tourné dans le flou, diffusé à Noël, est massacré par la critique à l'époque. Et j'ai un petit peu raison, c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi. Musicalement, en revanche, c'est un sommet de créativité psychédélique. Voici pourquoi il y a donc 6 extraits, dont le premier, c'est l'ouverture idéale, le contexte, écrit principalement par Paul comme un appel au voyage. Inspiré par les affiches de cirque et les voyages en bus anglais, le groupe cherche à rassurer le public et à se rassurer lui-même après la mort d'Epstein. Petite anecdote sur ce titre, les Beatles enregistrent le titre comme une fanfare déglinguée, cuivre volontairement excessif. Le morceau agit comme une porte d'entrée vers un nouveau monde sans guide. Voici la chanson Magical Mystery Tour sur RIG. Roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, ro moi, je vous ai rallongé la sauce avec Valentine Day à la suite de The Lovely Linda, mais The Lovely Linda dure 42 secondes et c'est le morceau le plus court de Paul McCartney dans toute sa discographie. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, d'abord, il faut se rendre compte que dans les faits, Abbey Road est le dernier album enregistré par les Beatles, donc très complexe avec plein de re-recording, etc. Donc de réenregistrement en français, si vous préférez. Et lorsque finalement McCartney a lâché l'affaire et est parti dans sa ferme, etc., reclus avec Linda et puis ses enfants, il a pris le contre-pied de cet album Abbey Road. Lennon a fait pareil d'ailleurs. Puisque ça avait été un album compliqué, il allait faire un album simple avec simplement ce qu'il peut faire lui tout seul d'ailleurs. Il venait d'acheter un magnétophone, on va dire ça comme ça, 4 pistes, seulement 4 pistes. Et il a écrit cette chanson fin 69 à peu près pour tester ces 4 pistes, tout simplement. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette chanson-là. Et puis Valentine Day, je crois que je ne l'ai jamais proposé, ou alors très très peu dans la saga des Fab Four. C'est pour ça que j'avais envie de vous le proposer maintenant. Ah. Je vous fais le coup à chaque fois. Ça sonne, je vais ouvrir. Mother, extrait de Plastic Ono Band. Ah, c'est plus triste, hein. C'est John Lennon qui pleure sa mère. John Lennon qui crache ses mauvais souvenirs. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 14 ans. Quant à son père, il était marin et il était plus préoccupé par aller voir une femme dans chaque port que par l'éducation de son fils. Donc il est revenu, paraît-il, un petit peu quand il s'est rendu compte que son fils était célèbre. Mais je pense que John lui a dit d'aller se faire voir et il a eu certainement raison sur ce coup-là, à ce niveau-là. Bon. On va redresser un petit peu la barre, hein. On va pas commencer ça triste. On a commencé mignon, The Lovely Linda, triste, Mother. Voici What is Life? Sans ton amour, c'est George Harrison qui avait fait le buzz, maintenant on dirait ça, en 1970, en étant le premier numéro 1 post-Beatles. Avec cette chanson, avec My Sweet Lord, mais quel album! What is Life sur All Things Must Pass, et c'est sur RIG. I can't say.

see the world spinning round. Oh, round, round, round, round, round, round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him, the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, round, round. Deuxième extrait de l'album de la semaine, The Fool on the Hill, Paul McCartney, l'homme seul en haut de la colline. Paul s'identifie au fou, vu comme un incompris. En filigrane, le sentiment d'isolement après Epstein et la critique qui commence à douter des Beatles. La scène du film, ou plutôt les scènes du film, sont tournées en France, près de Nice, pour le fou en haut sur la colline. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième extrait qui est très très bien. Et le troisième, ce sera un peu plus... ce sera toujours de la solitude, mais un petit peu plus marqué de drogue. Ce sera signé Harrison, mais ce sera tout à l'heure dans la saga des Fab Four. 1, 2, 3, 4. Là, c'est Ringo Starr avec son copain Elton John. Snooker aussi, Elton John qui l'a écrite. I was born in the north of England. I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Snookeroo, snookeroo, daddy's going on the booms. Mother used to cut my hair, and sister used to make the news. Well, it was 2 rooms up and 2 rooms down. We were sentenced by the wrecking train. Oh, I was born on the eve of Halloween. And snookeroo, snookeroo, snookeroo's my name. I need someone to cook for me and turn me loose at night. I could spend my life with a factory girl, cause the factory girl's my type. I hear them gossip on the street, most of what they say is true. Oh, don't you know that I hear them say they go that lazy, no good snookeroo. Snookeroo, snookeroo, daddy's going on the booms. Mother used to cut my hair, and sister used to make the news. Well, it was 2 rooms up, 2 rooms down. We were sitting by the wrecking train. Oh, I was born on the eve of Halloween. And snookeroo, snookeroo, snookeroo's my Let's go. Back, back, back. Say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. To make you mine, girl, be the only one. Love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Make you mine, girl, be the only one. Love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Things We Said Today sur l'album Hard Day's Night. C'est également la face B du 45 tours Hard Day's Night, Things We Said Today. C'est l'une des trois compositions principales en compagnie de And I Love Her et Can't Buy Me Love, écrite par Paul McCartney pour le premier film des Beatles. Elle est enregistrée au studio EMI d'Abbey Road le 2 juin 1964. J'étais né. En amont de la production du long métrage afin de pouvoir y être interprété en playback. McCartney l'a écrite durant une croisière en mer des Caraïbes en mai 1964. La chanson évoque ses relations avec sa petite amie du moment, Jane Asher, tournant autour du fait qu'ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps ensemble à cause de leur vie professionnelle très prenante. Je l'ai composée sur ma guitare acoustique, c'est une balade pour une nostalgie future. Nous nous rappellerons un jour des choses que nous nous sommes dites aujourd'hui. La chanson se projette donc dans le futur, explique Paul McCartney. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies, then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that's sad and lonely. Plus tard, en 1965, sur l'album Help, Ringo faisait la reprise Act Naturally, qui lui va très très bien, puisque ça ressemble pas mal à de la country, ce genre de truc-là. C'est très très très très bien. Revenons en 1973. 1973, George Harrison sort la suite de All Things Must Pass, si on veut. D'accord, il y a eu l'album live Bangladesh, mais en album studio, c'est une suite. Il fallait pas qu'il se rate. C'est un bel album. Peut-être un petit peu trop religieux, mais avec de très très belles chansons. La chanson que je vous propose, alors là, carrément, ce serait plutôt par rapport à la drogue, puisqu'il il dit try some, buy some. Et c'est en, si on peut dire, et achète-en. Voilà. Ben, c'est une belle chanson qui a été reprise par David Bowie, l'air de rien. retrouve George Harrison avec les Beatles en 1967 et sur l'album de la semaine, l'album Magical Mystery Tour, avec cette chanson qui, elle, oui, a vieilli, mais elle est quand même surprenante. C'est Harrison plus LSD plus solitude. Il écrit cette chanson seul à Los Angeles en attendant ses amis qui se perdent. L'ambiance est étouffante, avec une douce parano. La voix de George est ralentie artificiellement, puis remixée. L'un des morceaux les plus psychédéliques jamais enregistrés par les Beatles, ça montre le virage sombre, triste, post-Epstein. Voici la chanson. C'est pas la meilleure, mais elle est bien quand même. Please don't be lonely. you out, but we may never meet again. McCartney en 1973 sur l'album Red Rose Speedway. C'était à l'instant Little Lamb Dragonfly. Une actualité de Paul McCartney. Le 19 février sortira au cinéma pour une seule journée. Alors à vous et à moi aussi de voir dans quel cinéma de la ville ça sortira. Men on the Run, c'est un documentaire sur Paul McCartney, sur ses années Wings, quoi, quelque part. Et ce sera certainement très, très, très, très, très, très, très, très, très intéressant. Donc, allez le voir, parlez-en autour de vous. Men on the Run, c'est un Prime Original, ce qui laisse supposer qu'on pourra peut-être le voir après sur Prime Video. Ça vaut le coup. John Lennon, en 75, Slippin' and Sliding, sur RG. Voilà ce que dit John Lennon à la fin. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. Et je voulais vous parler de Johnny de A à Z. Ce soir, vous retrouverez à partir de 22h à peu près, Eric et son émission extraordinaire qui vous parlera de Johnny 85. Johnny 1985, à la fête de l'UMA. Ça risque d'être évidemment très très très très intéressant. Et maintenant, autre ambiance. 1974, George Harrison a une voix complètement éraillée parce qu'il est malade, mais il enregistre quand même son album. Un album relativement faible, et comme je le dis toujours, même dans les albums faibles des post-Beatles, on trouve de belles chansons. Cette chanson-là, il faut l'écouter peut-être plusieurs fois pour s'y mettre. C'est Far East Man sur l'album Dark Horse de George Harrison. Il y a du beau saxo dessus. Très sympa. Ambiance cool. L'été peut-être. On se fait des grillades. We'll be right back. vers la fin des années 2010, lors d'une discussion avec Madame Yoko Ono, Ringo Starr apprend que la chanson « Grow Old With Me » de John Lennon, qu'on avait entendue en tant que démo sur un album post-mortem de John Lennon, la chanson s'appelait d'ailleurs « Grow Old Alone With Me », eh bien, cette chanson, John Lennon voulait la donner à Ringo Starr. Alors, il va lui rendre hommage sur son album « What's My Name », sorti en 2019, en invitant Paul McCartney à faire sa ligne de basse pour rehausser cette chanson-là, et en invitant quelque part George Harrison, donc encore une réunion, parce que on entend, à un moment donné dans l'orchestration, un thème cher à George Harrison. Écoutez, essayez de repérer le moment où il y a le petit clin d'œil à George Harrison. Voici « Grow Old With Me » chanté avec respect par Monsieur Ringo Starr. Revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Magical Mystery Tour par les Beatles en 1967. Et le morceau que nous allons entendre dans quelques secondes, c'est Paul qui regarde vers le passé. Paul se tourne vers la musique de ses parents, music hall, avant-guerre. Tentative de recréer une continuité rassurante quand le présent est instable. Anecdote, numéro final du film, les Beatles en smoking blanc. Pour la petite histoire, celui, d'ailleurs, c'était un disque jockey de Détroit, qui en 1969 avait lancé l'idée que Paul McCartney était mort en 66 et que les Beatles n'avaient cessé, tout en mettant en remplaçant, de mettre des indices. Eh bien, sur la pochette de l'album Magical Mystery Tour, c'est le seul à voir une fleur qui est différente de celle des autres. Sur Sgt. Pepper, c'est le seul à être à l'envers par rapport aux autres sur la pochette. Et c'est normal, parce que là, sur ce coup-là, il n'était pas présent. C'est un technicien qui s'est mis de dos, de façon à faire croire que c'était Paul McCartney. Bon, mais il y avait des tas d'indices sur l'album Abbey Road, c'est le seul à pieds nus qui est un symbole de mort. Mais tout ça, c'est faux, parce que Paul McCartney l'a dit lui-même. Si il était mort, il en serait certainement au courant. Et puis là, c'est moi qui le dis, si McCartney était mort en 1966, son sosie a quand même un sacré talent. Voici donc Paul McCartney qui se tourne vers le passé. John Lennon n'aimait pas trop ce style de vieille musique, selon ses mots. Voici Your Mother Should Know sur RG. En somme, à la chanson, la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois le démarrage de leur carrière solo, même si eux-mêmes faisaient une reprise à un moment donné de leur vie, comme tout à l'heure lorsque Ringo Starr a repris la chanson. Quelle chanson? Je suis en train de chercher. Act Naturally, voilà, c'était une reprise. Bon, et bref, ça peut être quelqu'un de connu, ou ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, que vous soyez connu ou pas. Là, c'est quand même quelqu'un de connu. Il s'agit donc de Eric Clapton, pour une fois, je l'ai annoncé en début d'émission. Sur son album, son très bon album Back Home en 2005, avec cette reprise de Love Comes to Everyone sur RG. Out at all. Paul McCartney here, and you're listening to LG. Widescreen Radio. Nous sommes en 1976 sur l'album At the Speed of Sound et c'était Paul McCartney et Warm and Beautiful. In the bath, and when I awoke, let's go back, back, back, back, back. Attention, maintenant, dans la saga des Fab Four numéro 659, on va dire on attaque dans le dur. Voici une chanson, un chaos assumé. John écrit ce morceau pour se moquer des universitaires qui analysent ses textes. C'est assumé comme volontairement absurde. Le texte est inspiré à la fois du LSD et de Lewis Carroll. Le final, avec la diffusion radio de Shakespeare en direct, pendant l'enregistrement, est fait exprès, bien entendu. Le morceau dit, quelque part, on ne joue plus selon les règles. Voici I Am The Walrus, sur RIG, extrait de l'album de la semaine, Magical Mystery Tour, sur RIG, forcément. Thank you. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? En appuyant sur le bouton McCartney qui se prend pour Elvis. Et le voici en 1980, Coming Up. Cette chanson, vous la connaissez. C'est sur l'album McCartney. Deux, McCartney 2. Dans un peu plus d'une vingtaine de minutes, ce sera Eric et sa fabuleuse émission Johnny de A à Z. Et nous parlerons de 1985, Eric, c'est ça ? Avec quoi donc ? Je vais t'ouvrir le micro, c'est lequel ? J'ouvre tous les micros, puis on verra. Et celui du milieu. Aïe, je l'ai jeté. Vas-y, dis-moi. Tu m'as à l'antenne, alors. Oui. Donc, on va parler ce soir de l'humanité, la fête de l'humanité. La fête de 85. C'est un album qui va sortir le 30 janvier, donc, c'est-à-dire vendredi. Et donc, en exclusivité ce soir dans l'émission Johnny de AZ, je vais vous diffuser 5 extraits de ce concert-là que j'ai pu avoir, évidemment, en exclusivité. Fabuleux. Quand je dis que ce gars est fabuleux, il faut le croire. Merci, Eric. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici maintenant, en 1970, George Harrison a créé une chanson qui s'appelle Beautiful Girl. On va entendre la version, la première version, la première prise. Et puis après, nous passerons la version sortie en 1976 sur l'album 33 and One Third, pas facile à dire, qui est la version finale de Beautiful Girl. Shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this love, it may come as no surprise. Such a beautiful girl, got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there, but this loving may come as no surprise. Quasiment tout y est, il reste plus qu'à formuler ça comme il faut, avec moult instruments. Voici la version finale, 6 ans plus tard, Beautiful Girl sur RG dans la saga des Fab Four. Right. I'm crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you know. Parce que sinon on va être en retard. On attaque le dernier morceau, Strawberry Fields Forever. C'est un ajout capital même hors film initial. Le contexte, John replonge dans son enfance à Liverpool. C'est la première vraie chanson post-innocence Beatles. Anecdote, deux versions totalement différentes assemblées par George Martin. Je vous l'avais dit déjà dans une précédente saga. Lennon arrive en disant, bon bah j'ai fait ça, débrouille-toi pour que ça marche. Voilà ce qu'il disait à George Martin. Alors que Paul McCartney était plutôt du genre à dire, voilà, je pars d'un point B, je vais arriver au point C, et je voudrais que ça marche comme ça. Et George Martin n'avait plus qu'à mettre un peu son grain de sel quand même, parce qu'il savait y faire, mais à suivre les directives de Monsieur Paul McCartney. C'est comme ça. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Get hung about. Strawberry feels forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Un petit bilan pendant le break. Magical Mystery Tour, en fait, c'est donc la liberté totale, la perte du père spirituel, Einstein, le début du déséquilibre interne, un disque fort musicalement, plus fort que son film, c'est vrai, un moment où les Beatles sont encore ensemble, mais déjà seuls. Voilà ce qu'on pouvait dire, en gros, sur ce fantastique disque, ce fantastique CD, ce très très bon truc qui s'appelle Magical Mystery Tour. Extrait de McCartney 3. J'ai fait 1, j'ai fait 2, voici 3. I don't care to be bad. I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold. Since the day,

up your mind. If you look into these lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe personne n'a entendu le faux départ. Hein, personne. Bon. Eh bien, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Nous étions dans la 659. La prochaine fois, ce sera forcément la 660. À très, très bientôt. Je sais que vous êtes entre de très bonnes mains et vous allez avoir de la bonne musique dans les oreilles. À très bientôt sur RIG 90.7. La radio des Beatles, c'est terminé. La radio de Johnny, ça commence. À bientôt. Ciao.